s'il survient un orage, pensons au doux rivage. Notre port, est au ciel. Notre port, est au ciel. Ne cherchons qu'une rive. Notre port, notre port est au ciel. Notre port, Jésus, douce étoile d'un éclat.